Remix cadet son n'a pas ni fuck up tonight. En mal bon bien on square tout mon noye. Where tout mon a tell me mash up the liars. I wanna make a fin y'a ke prisi koutala. Weng nege deng no j'appare no ni fire. Pala benzo te manye leson on chata. Weng nege deng no j'appare no ni fire. Commencez brené caca. Give me the will dopamine, dopamine, dope. I need the will dagarin, dagarin, dope. On va le faire. Give me the will dope. Les mains à terre. Râle ton mec, ouf ton steak. Give me the will dopamine, dopamine, dope. I need the will dagarin, dagarin, dope. On va le faire. Give me the will dope. J'fais du sale, j'fais du bruit dans le bendo. Dans les dom-toms, on consomme le ginseng. On est chaudas sous le soleil, le rhum est bang bang. I need a simple, truck fi fire bon dem. Ici y'a la panique, pas pour toi pour soleil. Come from mother to jam town. Ici y'a pas fait chichi la de willy bang bang. Calm down, whiskey pam pam. Cassé fizzy ça easy when the shatter come come. Give me the will dopamine, dopamine, dope. I need the will dagarin, dagarin, dope. On va le faire. Give me the will dope. Les mains à terre. Râle ton mec, ouf ton steak. Give me the will dopamine, dopamine, dope. I need the will dagarin, dagarin, dope. On va le faire. Give me the will dope. J'fais du sale, j'fais du bruit dans le bendo. Portez à moi, je dis même pas merci. Bag it up, bag it up, bag it up. I love your skin, n'a pas de flop. Spicy, hot, hot, spicy. Oui, oui, bag it up. Give me the will, dopamine, dopamine, dope. I love the will, dagarin, dagarin, dope. On va le faire. Give me the will, dope. Les mains à terre. Râle ton mec, ouf ton steak. Give me the will, dopamine, dopamine, dope. I love the will, dagarin, dagarin, dope. On va le faire. Give me the will, dope. J'fais du sale, j'fais du bruit dans le bendo. Remix, cadet, son n'a pas dit fuck up tonight. En mal, pour en bien, on souhait à tout le monde en ailleurs. Where tout le monde a tell me mash up the liars. I wanna make a fin, y'a qu'est-ce qu'il écoute à la.